que j'ai stoppé les grandes études. Jeune négro veut prendre les thunes. Faut faire la diff pour faire du bif. Pour les refs et pour la mif. Faut que je muscle mon compte en banque. Parce qu'il est faible quand je fais mes comptes. A chaque fois je trouve qu'il en manque. Je veux voir ma monnaie faire des pompes. L'argent tue, l'argent parle. L'argent vient et l'argent part. Mais c'est l'argent qui me tient. Car il part plus vite qu'il ne vient. Fuck la tige, fuck les clopes. Fuck les réseaux, fuck les blogs. Fuck les likes, la fame, les strass. Fuck les hoes, les temples, les tasses. Même si j'aime quand t'es déshabillé. Avant de monter sur ma bite. Mais fuck l'appel de Belzébuth. Frère, les potes avant les putes. Non, parfois franchement je m'épate. Ça fait 6 ans que je mange des pâtes. Je veux voir le monde, les gens écartés. Je le fais pour les gens des quartiers. Je le fais pour les gens qui m'animent. Pour mes amis, pour ma famille. Pour mes plans, mes peurs, mes plaques. Jeune négro veut mettre des claques. Pour que je remette les pieds sur terre. Que je remonte à la surface. Je veux mettre mon cul dans le fond du trône. Faut que je lève mon cul du fond du trône. Quand j'ai besoin d'aide, roule un ou deux joints d'herbe. J'inspire jusqu'aux yeux rouges pour voir la vie en vert. J'suis du père, vous voyez. Faut que je paye le loyer. J'ai trop peur de me noyer. Yeah. Vivre sans peur, vivre sans cœur. Ouais, je me questionne, libre penseur. J'ai perdu le goût de la vie. Mais j'suis attiré par ces senteurs. Bah les couilles d'être à la fiche. Le buzz, est-ce qui s'ensuit. Ouais, j'm'en bats les couilles, j'm'en fiche. J'm'en fous, j'm'en ferme, j'm'en fume, j'm'en fuis. Jeune négro veut faire du sale. Jeune négro veut faire du sale. Jeune négro veut faire du cash. Alors je cherche où il se cache. Jeune négro veut faire du sale. Jeune négro veut faire du sale. Jeune négro veut faire du sale. Jeune négro veut faire du sale. Peut-être que demain je serai au top. Je serai peut-être la pierre angulaire. Pour l'instant j'ai le franc pris flow. Je mange des twitch triangulaires. Quand j'étais en mif, rien que j'étais sage. Quand j'étais seul je tirais des tafs. Pour oublier que les darons pour me faire manger. Combiné de taf. Même quand je suis debout j'ai le mal de mer. Rien que je fais des cauchemars de merde. Je me lève en sueur, je dors mal, je rêve. De barres de fer ou d'armes de guerre. Je sais pas pourquoi je rêve de la mort. Et pas de l'amour, wesh alors. Bref d'abord faut que j'élabore. Des métaphores qui mettent d'accord. Ouais, pour l'instant je galère, donc je rêve de grands salaires. Ou je rêve que je quitte la terre. Nique ça, nique ça, nique sa mère. Pourquoi le monde se fait la guerre. Les riches sont mal répartis. Les élites ont l'argent de la terre. Il faudrait juste qu'il est parti. J'aimerais faire le tour du globe. Mais je tourne en rond sur moi-même. Parfois j'ai mes phases, je bloque. Comme si j'étais en face du bloc. Le monde est en déséquilibre. Les terres se sont fait piller. Ouais, parce que pour des billets y en a qui se sont fait plier. Yeah. Quand je batte le soir, je tire une barre, je me soigne. Je rêve de m'en sortir, de toute façon j'ai pas le choix. Je suis du père, vous voyez, faut que je paye le loyer. J'ai trop peur de me noyer. Yeah. Vivre sans peur, vivre sans cœur. Ouais, je me questionne, libre penseur. J'ai perdu le goût de la vie. Mais je suis attiré par ces senteurs. Bah les couilles d'être à l'affiche. Le buzz, est-ce qui s'ensuit. Ouais, je m'en bats les couilles, je m'en fiche. Je m'en fous, je m'en ferme, je m'en fume, je m'en fuis. Jeune négro veut faire du sale. Jeune négro veut faire du sale. Jeune négro veut faire du cash. Alors je cherche où il se cache. Jeune négro veut faire du sale. Jeune négro veut faire du sale. Jeune négro veut faire du sale. Jeune négro veut faire du sale. Yeah.